bière qui te coûte. Pour les autres, t'auras pas de doute, alors prends-la. N'hésite pas, tu n'as qu'à tendre le bras de la pêcheronne. T'es venu pour ça, alors cueille-moi cette prune. La reine de toutes les prunes. La reine de toutes les prunes. La prune. La prune. Comme on décroche la lune. Je suis lancé, plus rien ne peut plus m'arrêter. Un débit de folie, je compte pas y passer la nuit. Pour moi la prune, c'est la thune. Dans cette belle exploitation, on n'exploite que le terrain. C'est pour ça qu'on s'y sent bien. Quand on cueille la prune. La prune. La prune. Ouh, la prune. Elle est belle. Pause déjeuner, fatigué, on retourne dans le camion. Le pâté n'est pas frais, c'est pas grave, le pain est bon. Fais tourner la fourchette, que je mange mon thon en miettes. La petite sieste sans les pestes, qui pourrait polluer la prune. La reine de toutes les prunes. La reine de toutes les prunes. Messieurs, dames. La prune. La prune. Comme on décroche la lune. Y'a gros Tony, pas écrit, qui essaie de draguer Marie, la plus mignonne. Tu m'étonnes, à mon avis, la pop fini, y'a Papinou parmi nous. Sur la prune, il connaît tous 50 ans de métier. Écoute-le parler de la prune. Oh Papinou, Papinou, je voulais dire à tout le village que vous êtes un brave homme. Ah, je rigole, tout le village le sait déjà que vous êtes un brave homme. La prune, la prune, messieurs, la reine de toutes les prunes, la reine de toutes les prunes, la reine Claude, la prune, comme on décroche la lune. Elle m'obnubile, me rend débile, je crois que je l'ai trop regardée de trop près tout l'été. Elle a dû m'ensorceler, c'est le réveil ou le soleil qui fait qu'elle m'émerveille, ou la route ou la goutte, oui, mais de la goutte à la prune. La reine de toutes les prunes. La prune. Comme on décroche la lune. La lune. Allez, allez, on y va. Elle est belle, ma prune. Dans la reine Claude de la Golden Japan. Au fait, tu mettras une branche pour les confitures de côté, hein, mamie, hein. Ok, c'est parti, la prune, messieurs dames.